Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà pour la deuxième saison. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 43. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 10 septembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es chef de la meute, tu es Isengrin dans le roman de Renard, tu es planqué au fond d'une tanière, tu es Mère Grand avec de grandes dents, tu es Canis Lupus et tu es aussi... Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es le loup, tu es le grand méchant loup. Jeudi dernier, c'était la pleine lune, nuit célèbre, paraît-il, où il faut éviter de croiser un loup. Cela dit, depuis 15 jours, nous n'avons cessé de croiser des loups au sein des universités d'été de nos partis politiques. C'est ainsi qu'à l'heure où les meutes se rassemblent et s'entretuent pour désigner le chef en vue des élections présidentielles, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de traquer la bête. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du grand méchant loup. Pour commencer, de Rome et sa louve à la bête du Gévaudan, il faut retracer l'histoire des relations entre l'homme et le loup. Ensuite, nous nous intéresserons aux mythes et légendes qui ont provoqué la peur ancestrale de cet animal si particulier. On enchaînera sur une petite surprise de Louis de Funès qui viendra nous raconter à sa manière, bien sûr, la célèbre fable du loup et de l'agneau. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons cette étrange histoire selon laquelle le président de l'UMP ne serait en réalité qu'un loup-garou. Et enfin, te raconter cette aventure terrifiante qu'ont vécu Monique et Jean-Claude durant le mois d'août alors qu'ils campaient dans les forêts du Mercantour. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, première de la saison. Alors bien sûr, monte le son et danse avec les loups. Soy capitán, soy capitán. La Bamba. C'est en 1959, le tube fulgurant de l'adolescent Richie Valens, un tube ressorti de sa tanière 30 ans plus tard par le groupe Los Lobos, autrement dit les loups, pour rameuter les brebis et les agneaux du monde entier. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser à l'animal qui terrifie et fascine les hommes, à savoir le loup. Les relations entre l'homme et le loup sont anciennes. Le chien, le premier animal domestiqué, est issu des loups. D'ailleurs, Rome, la ville éternelle, a pour mythe fondateur la louve qui a recueilli et nourri les deux jumeaux Rémus et Romulus. Mais au Moyen-Âge, le loup prend une toute autre figure. Oui, il y a bien longtemps, l'Église catholique vit dans le loup un véritable ennemi. Le loup, c'est l'animal libre qui échappe à tout contrôle des hommes. C'est le concurrent du berger et c'est surtout le dévoreur de l'agneau, l'Agnus Dei, symbole du Christ sacrifié. Alors, c'est clair, le loup, c'est le diable, il faut donc l'exterminer. Ainsi, au IXe siècle, Charlemagne crée la louveterie. Afin de détruire l'animal, cette institution, malgré une parenthèse pendant la Révolution, s'est maintenue et existe toujours. Les lieutenants de louveterie sont aujourd'hui chargés des renards et des sangliers, mais pendant tout l'Ancien Régime, c'est surtout du loup dont ils s'occupaient. Et ils avaient du boulot. Des historiens comme Jean-Marc Morisseau, en étudiant des actes de décès, ont montré que les attaques de loups représentaient un réel danger et que les loups anthropophages existaient bel et bien. Le plus souvent, les victimes, c'étaient des enfants ou alors des femmes isolées, comme les bergers et les bergères. Prends garde aux loups, bergère, prends garde aux loups. Prends garde aux loups, bergère, prends garde aux loups. Il est au bois qui regarde, qui regarde. Il est au bois qui regarde tes moutons. Prends garde aux loups, la mère, prends garde aux loups. Prends garde aux loups, la mère, prends garde aux loups. Il est tout près qui regarde, qui regarde. Il est tout près qui regarde tes enfants. Prends garde aux loups, c'est le leitmotiv dans les campagnes de l'Ancien Régime. Cela dit, la grande majorité des loups fuient naturellement l'homme. Pourtant, quelques loups peuvent l'attaquer. D'une part, les loups enragés, mais c'est un cas particulier, et d'autre part, quelques loups anthropophages qui, sans doute, ont pris goût à la chair humaine en croquant les cadavres abandonnés pendant les conflits, comme la guerre de Cent Ans ou les guerres de religion, par exemple. Mais la vraie rupture dans l'histoire de la chasse aux loups eut lieu dans le Gévaudan. Sous le règne de Louis XV, une bête féroce terrifia les campagnes entre 1764 et 1767. Il y eut alors de nombreuses victimes et des mesures radicales furent prises. Ce jour-là eut lieu en Gévaudan la plus grande battue jamais organisée dans le royaume de France. Le roi offrait une prime de 6000 livres à qui tuerait la bête. Aux milliers de paysans réquisitionnés, aux gens d'épée et aux soldats s'ajoutèrent tout ce que la région comptait de chasseurs, d'aventuriers. Quelques heures durant, nous oubliâmes que c'était la bête qui nous traquait. Malgré l'envoi de dragons par le roi, les méchouilles de bergères se poursuivirent. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. S'agissait-il d'un ou de plusieurs loups, de chiens dressés ou bien encore d'autres choses maléfiques? En fait, personne ne sait qui a fait le coup. Dans le Gévaudan et au XVIIIe siècle, tous les jours, les crimes restent impunis. Chaque jour, il y a des crimes qui restent impunis et la liste des victimes s'allonge à l'infini. Devant chaque nouveau forfait, on se demande qui l'a fait. On nage et on ne sait plus même si l'assassin, c'est pas soi-même. Si c'est pas moi, si c'est pas vous, alors quel est le coupable? Si c'est pas moi, si c'est pas vous, alors qui a fait le coup? Qui? On ne sait donc pas qui a fait le coup dans le Gévaudan. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, ça va de plus en plus mal pour le loup. Au XIXe siècle, c'est l'hécatombe. Les loups sont tués par milliers. Au XXe siècle, avec l'utilisation de la strychnine, un poison inodore, c'en est fini du loup. Officiellement, le dernier loup a été tué en France en 1937. Tristesse. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie. Officiellement, le loup est donc éradiqué en France dans les années 30. Enfin, c'est vite dit, parce que dès juin 1940, les loups, eh bien, ils reviennent. Les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmant et luire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, perruques, rousses, liesses et bombances, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Les loups verts de gris sont chassés de Paris en 1944. On croit alors que la France est définitivement débarrassée de la bête qui fait peur. Et pourtant, le loup ne cesse de faire parler de lui, comme en 1972, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, dans la région de Marché-Moret, les gendarmes et la population sont sur le qui-vive. Ce matin, un éleveur a découvert dans une prairie la carcasse d'un mouton. Rien de bien particulier, mais quand on sait que c'est le 39e depuis l'hiver dernier, alors là, les choses deviennent beaucoup plus graves, Thierry Bourgeon. En effet, en février dernier, un agriculteur de la région abattait une bête. Quelle ne fut pas sa surprise quand il s'aperçut que c'était un loup. Depuis, les troupeaux continuent d'être décimés. Pour l'abbé Imbrec, qui va souvent dans la région, il n'y a pas de doute, des loups ont élu domicile dans les forêts de Seine-et-Marne. Comment se fait-il qu'on puisse encore trouver de tels fauves dans ce département? L'abbé Imbrec m'a donné sa version des faits. Je me suis renseigné auprès des gens du pays. Je leur ai parlé de l'histoire du loup du mois de janvier dernier. Et alors, c'est là que, dans ce qui concernait ce loup, il ne s'agissait pas que du loup, il avait aussi sa louve. Et donc, si le loup est pris, il reste sa louve, et elle était pleine. On dirait Michel Charras, l'abbé. Et oui, si la louve était pleine, on aurait dû trouver des louveteaux, ce qui ne fut pas le cas. En revanche, ce qui est certain, c'est que depuis 1992, des loups, venus par eux-mêmes des Abruzzes italiennes, se sont installés chez nous, au cœur du parc naturel du Mercantour, dans les Alpes. Et puis, en 1995, le loup est alors repéré dans les Pyrénées. On pratique des analyses ADN qui nous prouvent que le loup pyrénéen est lui aussi originaire des Abruzzes. Autrement dit, qu'il a traversé les Alpes, le sillon rhodanien, avec fleuve, autoroute et ligne de TGV, avant d'atteindre les Pyrénées. C'est dingo, de quoi faire une nouvelle histoire de loup que me raconte ma nounou. Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou? C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire à mi-voix. Elle était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin, elle aperçoit le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha du loup. Ouh, cha-cha-cha du loup. Ouh, cha-cha-cha du loup. Tu es encore à l'âge où les filles ont peur de nous. Tu es bien trop sage pour venir sur mes genoux. Mais je t'aime bien, ne crains rien, approche-toi. Je ne te mangerai pas. Ne sois pas cruelle, viens dans mes bras, ma jolie. Viens plus près, ma belle, et ne tremble pas ainsi. Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas le grand méchant loup. Aux abois. Ouh, cha-cha-cha de loup. Ouh, cha-cha-cha de loup. Ouh, cha-cha-cha de loup. Le cha-cha-cha du loup,

two, three, four, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New hopping, Bobby, Bobby, being the R and the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of music keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Canada, tube planétaire de Sergio Mendes, repris cette année par la meute enragée des Black Eyed Peas sur leur album intitulé Timeless. Alors, pour poursuivre notre balade sur le fabuleux territoire des loups, il est temps désormais, à 11h32, de te raconter une histoire à peine croyable, une légende urbaine contemporaine digne des plus grands mythes du Moyen-Âge. Il y a plusieurs mois, en mars exactement, Nicolas Sarkozy, égaré dans les méandres de ses déboires sentimentaux, se promenait seul dans Paris par une nuit de pleine lune. Vers 3h du matin, il se trouvait alors à proximité du zoo de Vincennes. Que faisait-il là exactement? Ça, l'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que sur le chemin du retour, il fut agressé par ce qui semblait être un chien-loup. Nicolas fut mordu au mollet, mais conscient du ridicule que cette information pourrait provoquer dans la sphère politico-médiatique, il décida de se soigner seul. Seulement voilà. Quelques semaines plus tard, Nicolas Sarkozy sentait bien qu'il n'était plus tout à fait le même. D'ailleurs, juste avant l'été, il décida de se confier à sa secrétaire. Je crois que je suis en train de me transformer en autre chose. La chose qui vous a mordu, le loup. Oui, oui. Plus qu'intriguée, la jeune secrétaire demanda au président de l'UMP quels étaient les symptômes qui lui permettaient d'affirmer qu'il était en train de se transformer ni plus ni moins en loup-garou. Ce à quoi Nicolas Sarkozy lui répondit que... La nuit, voyant le désespoir de Nicolas, qui visiblement semblait devenir un danger pour lui-même et les autres, sa secrétaire le poussa à obtenir un rendez-vous avec le vieux loup de l'Élysée, le chef de la meute. Lui, sans doute, aurait des conseils à lui délivrer. C'est ainsi qu'au début du mois de juillet, président Chirac tenta de rassurer Nicolas sur sa transformation en loup-garou en lui disant que... Le démon loup n'est pas mauvais. Sauf si la personne qui l'a mordu est mauvaise. Et on se sent bien dans la peau d'un loup, n'est-ce pas? Le pouvoir sans la culpabilité, l'amour sans le doute. Vu sous cet angle, Nicolas Sarkozy se dit en effet que ce n'est pas si mal de se sentir dans la peau d'un loup-garou. C'est alors qu'au cœur de l'été, il décida d'assumer pleinement sa nouvelle nature et d'aller pour cela chasser quelques brebis en banlieue parisienne dans une bergerie à Cachan. Mais la transformation progressive en loup-garou s'effectue parfois au détriment de certaines fonctions humaines essentielles. Et du coup, Nicolas en devint incohérent. Les étrangers avec des pieds sont les bienvenus. Les étrangers sans pieds ou avec des faux pieds seront raccompagnés chez eux. Enfin bon, quoi qu'il en soit, le résultat est le même pour les brebis de Cachan. Et puis, durant ses vacances à Arcachon, Nicolas Sarkozy, devenu loup-garou donc, décida qu'il se présenterait à l'université d'été de l'UMP sous sa véritable nature. C'est ainsi que le week-end dernier, à Marseille, Nicolas Sarkozy est apparu devant les jeunesses de l'UMP sans aucune ambiguïté. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, me voilà si heureux de me retrouver ici parmi vous. Oh non, ne criez pas au loup. On dit pourtant que vous êtes méchants. Mais non, j'adore les petits enfants. Mais ne serait-ce pas pour les manger? Marie-Rose, vous plaisantez. Je ne suis pas un loup-garou. Je suis un loup très doux, très doux. Ce loup est un loup que l'on aime. D'ailleurs, tous ses amis l'appellent. D'ailleurs, tous mes amis m'appellent Loulou. Donc, désormais, tu le sais, le nouveau surnom de Nicolas, ton président de l'UMP, c'est Loulou. Loulou ? Oui, c'est moi. Ainsi, à Marseille, le week-end dernier, la meute des louveteaux de droite a reconnu son chef. Et pour l'occasion, un faux jeune loup, le soi-disant rappeur Doc Gynéco, est sorti de sa tanière pour soutenir le loup-garou Nicolas. Et oui, à l'UMP, ils sont très rap. Pourquoi tu ne viens pas de l'UMP ? Comment ? Pourquoi tu ne viens pas de l'UMP ? Ah oui, c'est une très bonne idée. Il faut que tous les Français s'y mettent. Au moins, le message est clair. Mais malheureusement, dans cette meute, ce n'est pas l'euphorie pour tout le monde. Car un autre mâle dominant rêve lui aussi de devenir le chef des loups de droite. Mais en réalité, au fil des mois, il est devenu le souffre-douleur de la meute tout entière. Et face à la puissance de Loulou le loup-garou, il n'a plus d'autre choix que de reconnaître son autorité sur le groupe. Oui, face à Nicolas, la vie n'est pas simple pour le loup Dominique de Villepin. Nicolas, je pars. Je pars comme un mauvais soldat, rejeté par son armée. Je suis tout seul, Nicolas. Je travaille pour les autres, j'essaye de donner le meilleur de moi-même, et pourtant, je ne plais pas. Je donne ce que j'ai de mieux, mais je ne plais pas. Je vais partir comme une flèche. Eh bien, c'est le sort des gens qui ont parfois beaucoup à dire. Il faut savoir se retirer. Soit. Un homme du monde doit savoir souffrir dignement. Qu'on fasse entrer les putains, je vais me détendre. J'ai besoin d'une bonne dose d'amour. Tout cela étant dit, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 15 jours, à La Rochelle, s'est tenue l'université d'été du Parti Socialiste, l'autre meute de loups qui se bat pour récupérer le pouvoir sur le territoire national. Là, le chef de la meute n'est pas encore désigné et la bataille fait rage entre la louve du Marais Poitevin et les vieux loups qui veulent la zigouiller. Du coup, du fond de sa tanière, dans le plus grand secret, Ségolène peaufine son programme. Elle a les crocs. Elle veut être prête à affronter le loup-garou Sarkozy. Alors, elle s'entraîne et elle s'entraîne. Grelot, grelou, grelou, grenugard, au loup-gar, à vous, garde, à vue, garde, à vous, hurlu-berlu, j'ai vu le loup, hurlu-berlu, j'ai la berlue. Grelou, grelou, grelou, grenu, le loup velu est un filou, le loup hurleur est un voleur, le loup bouilli est un ragoût qui ne provoque que dégoût. Grelou, grelou, grelou, grenu, le loup du bois est aux abois, le bois du loup n'est pas pour toi, fillette qui a vu le loup, tu ne trouveras pas d'époux. Grelou, grelou, grelou, grenu, le vieux loup de mer fait pleurer sa mère, mais la mère du loup a la larme amère. Le loup vient souvent sur les pas du vent. Cela dit, cette année à La Rochelle, on a surtout remarqué le retour du vieux loup blanc. Lionel est revenu sur son territoire, convaincu qu'il peut une dernière fois rassembler la meute des loups de gauche. D'ailleurs, les autres loups ne l'aiment pas, car ils le craignent. C'est ainsi que lorsque François Hollande a croisé le vieux loup blanc à La Rochelle, François, il était, comment dire, fébrile et tremblant. Tiens, bonjour, salut, dis-moi comment tu vas ? m'attendais plus. Comme c'est drôle, tu vois, de se rencontrer là. Je dois t'avouer qu'il m'arrivait parfois, tout seul, le soir, de repenser à toi. Alors, est-ce que le vieux loup blanc va parvenir à restaurer son autorité sur la meute de gauche? Ou alors est-ce que la louve du Marais Poitevin va tous les bouffer comme trois petits cochons? Et Dominique, le loup dominé, parviendra-t-il à inverser la tendance face au loup-garou Sarkozy? Et que dire enfin du plus rusé d'entre eux, le loup des steppes de Corrèze, qui, à coup sûr, va pointer sa truffe? Tout cela, tu le découvriras dans les prochains épisodes. Pour l'instant, de part et d'autre, on a surtout la trouille des trahisons et des baisers de Judas. La facture d'électricité, c'est ce que Mieux-Sec doit payer ce mois-ci en plus de ses impôts. La facture d'électricité parce que la facture de GDF, elle, c'est le gouvernement Villepin qui s'en chargera après avoir crié au loup face à l'obstruction parlementaire. Alors, pour poursuivre notre danse avec les loups, il est grand temps maintenant de retrouver, toujours en direct du Mancha Palace, nos deux héros intrépides, les téméraires Monique et Jean-Claude, qui ont vécu cet été une histoire incroyable. En effet, Monique a eu l'idée saugrenue de vivre avec Jean-Claude une grande aventure humaine. Ils sont partis tous les deux faire du camping sauvage pour vivre un peu leur petit Koh-Lanta. En réalité, Monique, elle, pense que c'est la meilleure méthode pour perdre du poids rapidement. C'est ainsi qu'ils ont installé leur tente dans les Alpes, aux abords du parc du Mercantour. Tout s'annonce pour le mieux. Il pleut, le ciel est gris, il fait froid, on est bien au mois d'août en France cette année. Cela dit, Jean-Claude, il est un peu inquiet. Le camping sauvage, c'est interdit, surtout dans un parc national. Et puis, il le sait, ici, il y a des loups. Mais pour ne pas perdre la face devant Monique, il fait le matamore. Bien que mes provisions soient abondantes, j'ai pris la décision de me rationner, comme si je faisais partie d'une garnison. Il y a un loup qui s'intéresse beaucoup à mes faits et gestes. Il ne semble pas animé d'intentions agressives. Depuis 2 jours, il se montre chaque après-midi. Il a des chaussettes toutes blanches aux pattes avant. S'il revient me voir demain, je le baptiserai Chaussette. Monique fait remarquer à Jean-Claude que son loup à pattes blanches, c'est plutôt un toutou frisé et abricot, sans doute un caniche égaré. Jean-Claude, lui, est un peu vexé. Il explique à Monique que, ouais, bon, c'est vrai, il n'y connaît rien à la faune du coin. Quand, soudain... Un frisson glacé parcourt alors le corps de nos héros. Jean-Claude pense qu'il s'agit d'un fantôme. Monique lui dit que non, puisque cette semaine, l'émission est consacrée au loup. Jean-Claude reste immobile. Il ne sait pas quoi penser de ce qu'il vient d'entendre. Monique lui demande ce qu'il a. Jean-Claude lui répond que... J'ai peur. Monique, elle, est écroulée de rire. Jean-Claude voulait jouer à l'aventurier, mais le voilà paralysé par la peur parce qu'il a entendu un vague bruit dans le lointain. Monique a beau lui dire que les loups sont craintifs et surtout qu'ils n'attaquent pas l'homme, ça ne change rien. Jean-Claude, il veut partir et il s'en explique. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Monique est déçue par cet aveu. Elle voyait en Jean-Claude un héros des temps modernes, un nouveau cowboy. De toute façon, l'attente est montée et elle a encore quelques kilos à perdre. Il est hors de question qu'il reparte maintenant. Alors Jean-Claude, convaincu qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, invite Monique à le rejoindre sous la tente. Mais Monique est déçue par la lâcheté de Jean-Claude et sa réponse est cinglante. Arrête, arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Moi je t'ai dit non. Non. Non. Jean-Claude est fou de rage que Monique se refuse à lui. Il prend alors une grande décision. Pour prouver son courage à sa compagne, Jean-Claude dit qu'il va faire ce que peu d'hommes ont fait, la photo d'un loup. Il prend son appareil photo, s'arme d'un gourdin et part à la recherche de la bête. Jean-Claude marche maintenant depuis plus d'une heure sous la pluie. C'est sûr, les loups ne sont pas loin, il les a entendus plusieurs fois. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Jean-Claude entend effectivement des loups, mais impossible d'en apercevoir un. Jean-Claude essaie toutes les méthodes d'approche de ces animaux farouches. Où es-tu ? Dans le bois, je te cherche, je t'appelle. Au petit loup, que fais-tu ? Que dis-tu ? À force de chercher le loup, Jean-Claude doit se rendre à l'évidence. Il s'est paumé. Il est désespéré quand soudain, comble de chance, il croise une route. Jean-Claude décide de la suivre et au bout de quelques kilomètres, il découvre une camionnette blanche avec des rideaux stationnés sur le bas-côté. Jean-Claude est un peu loin, mais il croit apercevoir une femme assise à l'avant du véhicule. Jean-Claude comprend très bien ce qu'elle attend et il décide d'agir en conséquence. Parle-t-on tout lui dire, parle-t-on tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululé sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veuille. Cœur de loup, peur du lit, séduis-la sans délai. Suis le swing, c'est le coup de gond du King Bong. Jean-Claude se passe alors la main dans les cheveux parce qu'il le vaut bien, réajuste son bermuda et s'approche virilement de la camionnette. Le voyant arriver, la personne descend du véhicule et lui fait un large sourire. Jean-Claude se sent alors très mal à l'aise. Il veut rapidement s'éloigner, mais le gros moustachu le rattrape. Donne-moi ma chance! Allons, fais un effort, les apparences! Jean-Claude décline poliment l'invitation du monsieur. Non, j'ai pas le temps là, je cherche le loup. Soudain, derrière lui, Jean-Claude entend un bruissement dans les feuillages. Pour lui, c'est sûr, c'est le loup. Jean-Claude s'approche du lieu d'où vient ce bruit et tombe nez à nez avec un homme en képi. « Gendarmerie nationale, vos papiers s'il vous plaît !» Jean-Claude explique maladroitement qu'il est à la recherche du loup. Le gendarme regarde Jean-Claude, puis la camionnette, puis Jean-Claude, et sourit. Il lui rend ses papiers en lui faisant un clin d'œil appuyé. Le gendarme remonte dans sa voiture et démarre. Jean-Claude comprend maintenant que ce n'était pas le loup qu'il avait entendu. Jean-Claude avait donc confondu le hurlement des loups avec la sirène de police. La nuit tombe, il se fait tard, il demande alors au gentil camionneur de le raccompagner jusqu'à son campement. Après avoir dit au revoir au monsieur, bonsoir madame, Jean-Claude entre dans la tente où Monique dort déjà. Il la réveille doucement. Quand elle lui demande s'il a vu le loup, Jean-Claude, gêné, n'ose pas répondre. Plus un mot de cette nuit, on recommence tout. Aujourd'hui, nos deux cœurs se sont pardonnés. Bien près de moi, je sens ma voix qui voudrait te confier. Dès demain, si tu le veux, nous pourrions partir en amoureux, loin de ces lieux, sans plus jamais y revenir. Et c'est dans les bras de sa louve que Jean-Claude s'endort. Fin de l'histoire. Jean-Claude n'a pas été au bout de sa traque, il le regrette un peu. La prochaine fois, il ira vraiment voir le loup. Le soleil est si fort, viens me voir. Ne reste pas là dehors, viens me voir. Viens te mettre à l'abri, viens me voir. Viens te mettre à l'ombre ici, viens me voir. Viens vite voir le loup, viens vite. Tu me rends fou, viens vite. Par le loup, viens vite, tu me rends fou. Tu es plus douce et plus jolie qu'une mandarine, plus tendre qu'une fleur de safran. Quand tu m'embrasses avec tes lèvres de grenadine, je te mangerai d'un grand coup de dent. Oh, viens vite, par le loup. Tu me rends fou, viens vite, voir le loup, viens vite, tu me rends fou. Que fais-tu là sous le ciel? Viens me voir. Tu vas mourir au soleil, viens me voir. Tu n'as même pas de chapeau, viens me voir. Viens, je te donnerai de l'eau, viens me voir, viens vite. Voir le loup, viens vite, tu me rends fou, viens vite. Voir le loup, viens vite, tu me rends fou. Tu es plus chaude qu'une poudre de paprika, brûlante comme un grain de curry. Ta petite langue est un piment couleur de grenade. Dans mes mains que tu es jolie. Oh, viens vite, voir le loup, viens vite. Tu me rends fou, viens vite. Voir le loup, viens vite. Tu me rends fou. Viens voir le loup, chante notre chef de meute Joe Dassin en 1967 sur un album intitulé Les deux mondes de Joe Dassin. Certes, Joe est moins branché que Lou Reed et il est moins beau que Lou Doyon, mais il est tellement plus funky que Paul Lou Sulitzer. Ainsi, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au cœur du territoire fascinant des loups. Des lieutenants de louveterie au loup-garou Sarkozy, de la peur de la bête à Jean-Claude qui a vu le loup, et des trois petits cochons à la bobinette chère rat, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être le grand méchant loup. Alors, c'est quoi le loup aujourd'hui? Eh bien, c'est moins d'une centaine d'individus dans toute la France, moins deux depuis jeudi dernier, abattus par arrêté préfectoral. Oui, c'est vrai, parfois le loup boulotte quelques brebis dans les sous-bois, mais bon, c'est con aussi une brebis. Cela dit, en général, le loup est plutôt craintif, voire invisible. Malgré cela, le loup demeure tout de même très présent dans notre quotidien, ne serait-ce que par les expressions populaires, la littérature ou le cinéma. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les mômes ont toujours peur du loup. De la même manière, ne dit-on pas « jouer au loup » dans les cours de récré. Mais il n'empêche que désormais, le loup fout beaucoup moins la trouille que jadis. Et oui, tout fout le camp. Je suis un loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents. Sur une grand-mère solide comme un roc, tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord. Pauvre loup, pauvre loup, pauvre loup, pas même un loulou, non, un loulou. Pauvre loup, pauvre loup, pauvre loup, pauvre loulou. Alors, pour terminer cette émission, la panique au Mangin Palace s'est demandé qui avait encore réellement peur du loup aujourd'hui. Tout d'abord, les Russes. Oui, oui. Les Russes. Parce qu'il faut savoir qu'il reste encore 100 000 loups en Russie, plus Poutine, et qu'ils sont toujours considérés comme nuisibles. Ensuite, bien sûr, les quinquas de la banque, engoncés dans leur costard à Montieri, se méfient plus que jamais des jeunes loups de la finance. Et puis, que dire des jeunes pucelles qui se rendent au bal des débutantes? Elles aussi, elles ont toujours peur de voir le loup. Et elles ont bien raison, car, comme chacun sait, derrière mon loup, je fais ce qui me plaît. Cela dit, certains n'ont jamais eu peur du loup, à savoir les Indiens d'Amérique. On peut même dire qu'ils sont cousins. D'ailleurs, il y a de vraies similitudes. Les Indiens et le loup étaient tous deux nomades, tous deux chasseurs. Et l'organisation sociale de la meute ressemblait à celle de la tribu. Et surtout, ils étaient tous deux traqués par les Blancs. Du coup, c'est sûr, quand on leur parle du loup aux Indiens, eux, ils n'ont pas peur. Ah, qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la. C'est George Milton qui, dès 1934, n'a plus peur du loup. Voilà, fin du 43e épisode. C'était C'est quoi les loups, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutraque et Archi Loufoque. L'émission est coécrite avec le professeur Mauduit. Merci beaucoup, un ami précieux. Merci Henri-Marc Mutel aux platines. Arnaud Caillé, Jean-Claude Barré à la technique, merci à vous. Merci beaucoup à Flora Bernard et Nicolas Ossard, notre nouveau stagiaire. Pour les Scuds, merci beaucoup à Thierry Dupin. Merci à Olivier Lefayer qui nous a rejoint pour cette nouvelle saison. Merci enfin aux documentalistes de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes podcaster l'émission. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc en direct dimanche prochain, mais surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.